Et en terminant, je vous parle de David Dulac. David Dulac qui a été condamné à 2 ans de probation pour menace de mort sur des enfants. Rappelez-vous, ça c'est l'étudiant en arts visuels de l'Université Laval qui avait défrayé la manchette récemment. Lui, dans son projet artistique à l'université, il disait qu'il voulait enlever des enfants pour les accrocher au plafond et les battre. Ah, et, c'est beau l'art qui provoque. Ouais, il s'était ramassé en cours avec ça, condamné donc à 2 ans de probation. Et hier soir, il devait faire une espèce de spectacle dans Saint-Roch, au centre en art actuel, le lieu, dans le quartier Saint-Roch. Finalement, sous les conseils de son avocate, il aurait décidé de laisser faire et d'annuler sa prestation. Les journalistes attendaient tout ça. Finalement, il a dit « Ouais, finalement, je vais passer mon tour ». Et ce matin, ce qui retient mon attention, c'est qu'il y a une de ses amies qui s'en prend à nous autres ce matin, Denis. Ah bon? Elle a dit que Dulac aurait été victime d'une agression à Saint-Georges-de-Beauce depuis qu'il est en liberté. Elle dit que, je vais la citer là, elle dit qu'il est allé dans un bar rejoindre une amie où il y avait, et ça ce sont ses mots, des douchebags qui probablement écoutent Choix et lisent le Journal de Québec. Probablement. Qui ont juste cherché l'altercation avec lui. Ah, autrement dit, elle dit qu'il y a des auditeurs de la radio poubelle qui ont essayé de s'en prendre à David Dulac. Tu te permets que je vérifie si je me sens responsable? Ouais, check donc ça. Je vais ouvrir mon sac de responsabilité. Ouais. Puis? Il est vide. Il est vide un peu. Il est vide. Ça se peut-tu que le premier responsable de ça, si c'est bel et bien arrivé, que ce soit David Dulac lui-même? Ça se peut-tu? Radio poubelle. Tu sais, il mouille dehors, c'est la faute de la radio poubelle. Les plus acides, le prix de l'essence, la corruption, les carrés rouges. Canadien a perdu contre Toronto. Oui. C'est de la faute de la radio poubelle. Si George Parra s'est jamais relevé. C'est de la faute. C'est de la faute de la radio poubelle. Probablement. Probablement. Ouais, c'est pas, c'est tellement gratuit comme affirmation que t'es obligé de rajouter un probablement dedans. Hey, message à la petite madame, là, la petite brillante, là, qui trippe sur l'art, qui choque. Hey, poursuis-nous donc. Viens pour le fun. Envoie-nous des papiers. J'ai le goût de me soigner devant un juge avec cette histoire-là, de voir c'est qui est responsable du fait qu'il se fait taper. Là. Bien curieux. J'attends un papier, je vais même aller chercher. Viens pas porter au poste, là, amène pas un huissier, rien. Je vais aller chercher chez vous les papiers, tellement je suis sûr. C'est en 2013, là, ça va être beau le blanc radio de tout. Là. Correct, là. Va être correct. Où est-ce qu'on est rendu? Les sports, une présentation de La Capitale. En ce moment.